Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Eh bien, ça y est, c'est du live. Oh là là là là. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Radio Restio, quatrième édition. Alors, écoutez, on est en live. J'ai un petit peu d'écho dans mes oreilles, mais on va régler tout ça. Nous voilà partis pour 48 heures de radio, 48 heures d'émissions inédites animées par des animateurs, toutes radios confondues. Autant vous dire que pendant 48 heures, vous allez entendre des émissions comme nulle part ailleurs, avec un air d'ambiance radio libre qui risque peut-être de vous étonner, de vous surprendre. Et sûrement vous motiver pour partager avec nous la raison essentielle pour laquelle ce projet existe, aider, soutenir les Restos du Cœur, bien sûr. Si vous nous découvrez cette année, on va tout vous expliquer. À mes côtés, Patrice Douré, président des Restos du Cœur. Bonsoir Patrice. Bonsoir Laurent. Christophe Salmon, délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, partenaire de Radio Resto. Bonsoir Laurent. Christophe. Bonsoir. Bruno Guillon arrive dans un instant. Emmanuel Lévy est là. Ah non, il est pas là. Ne le cherche pas. Regardez, je suis là. Vous vous rappelez? Je suis là. Emmanuel Lévy qui est là. Lui, Bruno va arriver dans un instant. Voilà, un des trois mousquetaires qui a eu cette idée un peu étrange de soutenir les Restos du Cœur, mais pour une bonne cause. Alors, on va tout vous expliquer. On va vous en parler des raisons pour lesquelles on fait ça. Des différents moyens de nous soutenir, de nous aider, de nous suivre également. Et puis le but de ces 48 heures de radio totalement inédite. Patrice, commençons par le président. Une question qu'on peut vous poser, qu'on vous pose sûrement depuis quelques jours. Vous êtes allé, ou tu es allé à la télévision, on n'a qu'à se dire tu, c'est la quatrième. Tu es allé à la télévision, parler de la situation des Restos du Cœur. Dans ce journal télévisé, tu as bien précisé que si on n'aidait pas une association comme les Restos du Cœur, dans 3 ans, elle pouvait mettre les clés sous la porte. Est-ce que l'impact de ce message qui a été vraiment relayé par tout le monde est vraiment suffisant? Je ne sais pas s'il sera suffisant. Ce qui est certain, c'est ce qu'on a voulu également faire, c'est dire qu'au travers de la situation que les Restos du Cœur constatent tous les jours, et j'étais encore cet après-midi dans les Yvelines, et nos bénévoles l'ont confirmé, au travers de cette situation, c'est véritablement la violence de l'inflation qui frappe les plus démunis. Mmh. Et aujourd'hui, on sera rassuré dans quelques semaines, notamment lorsqu'on pourra constater le nombre de personnes qui auront encore beaucoup besoin de nous. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, notre appel a été entendu. On a fait bouger quelques lignes, ce qui est encore plus évident. Et là où on sera vraiment rassuré, c'est dans quelques semaines, voire quelques mois, quand on verra les premiers effets, malheureusement, des mesures que l'on a prises et surtout des soutiens que l'on attend. Des soutiens qu'on attend encore parce que c'est pas un appel cette année qui va effectivement déclencher une certaine générosité. On l'a vu, il y a des gens qui sont venus, qui ont déposé des chèques, mais bon, ça permet de tenir un certain temps. En fait, il faudrait une régularité de tout cela. Et puis surtout, ce qui est important de dire tout de suite, c'est qu'il y a de plus en plus de gens. C'est ça le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent réclamer, mais dans le bon sens du terme, un soutien des Restos du Cœur. C'est pas parce qu'il y a moins d'argent, c'est surtout parce qu'il y en a besoin de plus en plus. Oui, c'est structurel. De toute façon, aujourd'hui, on est face à beaucoup plus de personnes qui ont besoin de l'aide des Restos du Cœur et des associations de solidarité. On est face aussi à un coût qui est beaucoup plus important, notamment dans les achats alimentaires et tous les produits que l'on achète. Il faut se rappeler qu'on achète plus du tiers de ce que l'on distribue, c'est-à-dire plus du tiers de 140 000 tonnes de produits. On l'achète et on l'achète avec l'évolution de prix que l'on connaît. C'est la deuxième variable. Et la troisième, ce sont les ressources. Aujourd'hui, c'est structurel. On n'est pas en capacité, dans notre association et dans beaucoup d'autres qui se sont également manifestés, de tenir. Et ce qui est important aussi, ce sont nos équipes. Elles font un travail mais exceptionnel. Cet après-midi, j'ai encore pu constater la magie de ce que sont les équipes bénévoles qui sont dans nos centres d'activité. Elles ne peuvent plus. Et il est hors de question de pouvoir accueillir beaucoup plus de monde en dégradant la qualité de ce que l'on fait. L'accueil, c'est aussi l'écoute, c'est le lien social, c'est tout ce que l'on peut proposer au-delà de l'aide alimentaire. Et pour ça, il faut pouvoir avoir le temps de le faire et donc pouvoir les accueillir dignement. Est-ce que cette année, les centres de distribution accueilleront suffisamment de personnes, enfin autant de personnes? Non, je l'ai posé la question différemment. Est-ce que cette année, certains vont devoir refuser certaines personnes? Je sais probablement qu'on devra dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui. Ce qui est évident, c'est que malheureusement, les premières informations que l'on a nous montrent qu'on devra dire oui à beaucoup plus de personnes que ce qu'on avait prévu, parce que la dégradation liée notamment au coût de l'alimentation et pas que, au coût de tous les produits d'hygiène, à l'énergie, on a quand même quelques craintes face à une évolution de la précarité qui est forte. Et la précarité, elle a tous les visages. C'est sur la santé, c'est sur le logement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent au Restos du Cœur ont non seulement besoin d'une aide alimentaire, mais aussi de toutes les activités qu'on propose au-delà, que ce soit le soutien à la recherche d'emploi, l'estime de soi, etc. Voilà, donc c'est tout ça qu'on veut pouvoir préserver. Et pour ça, effectivement, ben, il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, il faut des bénévoles. Alors pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, qui découvrent ce projet qu'est Radio Resto, 4e édition cette année, 48 heures d'émission, ça consiste en quoi, Manu Lévy ? Qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je viens d'arriver, j'ai vu de la lumière, sympa, j'aime bien la radio, et en plus, il y a... je me régale, pardon. Ça va être 48 heures de radio dont un peu beaucoup ont rêvé. C'est-à-dire que c'est 48 heures de radio qui pourraient pas être là sans les Restos du Cœur. C'est 48 heures de radio avec plein d'animateurs de radios différentes qui ne pourraient pas normalement travailler ensemble et qui vont réaliser des émissions ensemble. Il y a un mélange de toutes les générations, de tous les styles de radio. Et pendant 48 heures, on va faire revivre aussi des émissions cultes que peut-être même des gens vont découvrir 20 ans après. Des animateurs de toutes les générations, des radios locales, des réseaux nationaux, tout le monde va être mélangé. Et on va proposer un programme inédit qui est, c'est la magie aussi, qui est éphémère. Alors on va vous expliquer pourquoi le Crédit Mutuel, la Fondation du Crédit Mutuel est là avec nous aujourd'hui autour de ces micros. C'est pas la première fois. Et puis ben comme on fait de la radio, il y a parfois aussi des pauses musicales. Il y en aura tout au long de ces 48 heures. Il y aura même un numéro de téléphone que vous pourrez composer quand vous voulez parce qu'il y aura de l'interactivité avec vous qui nous écoutez. C'est au 01 46 20 31 31. Notez-le, vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous promets de façon très très très sympathique tout au long de ces 48 heures. Qui dit radio dit parfois de la musique. On va voir si ça marche. Si je dis par exemple, Eurythmics, There Must Be an Angel, normalement ça part. Ah oui, ça part bien. Vous voyez, c'est de la radio, comme toutes les autres, mais totalement libre. Et pour nous écouter, vous le savez, il y a l'application, le site internet. Et bien, faites-le savoir autour de vous dès maintenant. Il est 20h06, on est ensemble jusqu'à dimanche soir 20h. On va tester la culture musicale de Manu Lévy qui chantait. Là, à l'instant, là, ouais. C'est Johnny Hallyday, mais voilà. D'il y a 2 mois. Et à l'harmonica. Ah, l'harmonica. Alors, c'est Stephen Gamble, qui est un des plus gros harmonicistes suédois. Et c'est le seul, d'ailleurs, en Suède qui fait de l'harmonica. Eurythmics sur Radio Resto. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. Ah oui, parce qu'on est là pour. Alors, par rapport à cette histoire de camion, Manu Lévy. Mais pour les camions, et pas que les camions, parce qu'il y a aussi besoin de voitures. Enfin, bref, en gros, on est là pour les véhicules. Parce qu'une fois qu'on a donné des poireaux et des carottes pour les restos du cœur, et ben, ces poireaux et ces carottes, il faut les amener. Voilà. Il faut les amener aux gens, donc il y a besoin de véhicules et c'est pour ça qu'il y a Radio Resto. Ces 48 heures d'émission sont faites également pour soutenir les Restos du Cœur à travers effectivement ces dons qui vont servir à acheter des véhicules. Il en faut des camions, des petits, des moyens. Pourquoi ? Bah, tout simplement, Patrice, parce qu'il faut aller chercher les denrées qu'on nous donne d'un endroit et les emmener à un autre. Mais pas que, il y a aussi des dons. Je sais qu'il y a des agriculteurs parfois qui appellent en disant j'ai une tonne de patates, je ne sais pas quoi en faire, ou je vais pas l'acheter, mais presque, c'est ça. Hein. Bah, l'idée, c'est aussi de pouvoir compléter les produits que l'on peut acheter par des produits qui nous sont donnés, des produits frais, parce que c'est important aussi de bien manger, parce qu'on est en difficulté, qu'on doit mal manger, donc il faut aller les chercher, les transporter, pouvoir les conserver. Et puis c'est aussi dans le cadre de la transition écologique, on a des vieux véhicules, il faut les remplacer par des véhicules qui polluent moins, parfois même qui sont des véhicules électriques, notamment quand on est dans des grandes villes comme ici à Paris ou ailleurs. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi compléter ça. Ouais, voilà. Et puis il y en a aussi certains qui sont détériorés. Il y a eu malheureusement un événement à la fin du mois d'août, je crois à Lille ou dans la région du oui, Nord. À Ouattrelot, tout à fait. À Ouattrelot, où plusieurs véhicules ont été complètement détériorés, on ne sait toujours pas pourquoi, mais voilà, il faut les remplacer, il faut les réparer, il faut les remplacer. Donc ces 48 heures, ils existent aussi pour soutenir financièrement les Restos du Cœur dans ce but-là, de financer des véhicules. On en a financé combien depuis ces 3 premières éditions, Patrice ? 25 ? Ben aujourd'hui, 3 premières éditions, on est à près, je vais parler en argent, ouais. Pas très intéressé, mais si. On est à près de 1 million d'euros grâce à Radio voilà. Resto et de tout le soutien qu'on a pu obtenir, de tous ceux qui ont donné en ligne et de tous nos partenaires, dont Christophe qui est ici. Christophe Salmon, vous êtes délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, partenaire de Radio Resto, et on va saluer Bruno Guillon qui arrive parmi nous. Christophe, pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi est-ce que vous avez été sensible à cette initiative, à ce soutien des Restos du Cœur via Radio Resto ? En fait, ça résulte d'un échange qu'on a eu il y a 3 ans avec l'équipe des Restos et Patrice. On a été très sensibilisés sur ce besoin-là de camions. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'on pense aux denrées alimentaires, on pense à l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté, mais on ne pense pas à toute la logistique qui est nécessaire derrière. Et donc, on s'est dit que c'était important d'être là pour Radio Resto. Ça fait la 3e année qu'on est présent et qu'on soutient cette opération. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi aller dans les différents centres des restos quand on remet les camions, parce qu'on voit l'impact concret que ça a sur la vie, notamment des bénévoles. Parce que c'est des gens qui se déplacent, qui partent souvent tôt. Et s'ils peuvent le faire dans des bonnes conditions, dans un camion qui tient la route, dans un camion chauffé, si on peut... Aider la vie des bénévoles, c'est bien. Et puis il y a aussi l'aspect sécuritaire, que je trouve hyper important, parce que le renouveler un camion, ça veut dire derrière rouler dans de meilleures conditions. Et ça, c'est aussi cet aspect sécuritaire, quelque chose d'important. Donc on a été très sensibilisés là-dessus. Et c'est pour ça qu'on trace notre sillon, qu'on est partenaire pour la 3e fois. Et puis indirectement, Laurent, un camion, ça vaut 40, 45 000 euros, 60 000 euros, selon comment il est équipé. 100 000 euros quand c'est des véhicules beaucoup plus lourds. Ça veut dire que de toute façon, c'est des véhicules que l'on doit acheter pour renouveler ou pour compléter notre flotte. On a beaucoup parlé de centres itinérants aussi. C'est des véhicules qui vont vers les personnes qui sont notamment dans la ruralité, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont isolées. Donc, au-delà de symboliquement ces véhicules, c'est une dépense que l'on n'aura pas à faire. Ça veut dire que c'est des sommes d'argent qu'on va pouvoir reconsacrer à autre chose et notamment à l'urgence alimentaire du moment. Voilà, donc l'appel, il a été lancé il y a 3 ans, c'est la 4e année cette année. Et alors, bon, vous pouvez faire des dons en utilisant bien sûr le site internet, vous pouvez faire des dons en utilisant l'application qui est relayée par Radio Player. Voilà, c'est les différentes façons d'écouter ces émissions, durant lesquelles on va retrouver notre ami Bruno Guillon qui vient d'arriver ici, qui était un petit peu dans les embouteillages, comme plein de gens qui peut-être... Je suis un peu en retard, mais non, c'est pas grave. Mais je n'excuse, j'ai plus de montre. Donc, En revanche, t'as plus le site non plus, c'est gênant. Bon, Bruno, effectivement, chaque année, c'est des moments absolument absolument inattendu qu'on vit pendant 48 ouais. heures. C'est de la radio libre, ça fait du bien. Je tiens à signaler d'ailleurs, puisqu'on parlait de radio libre et d'interactivité, que vous pourrez tout à l'heure dialoguer avec Willy Revelli à partir de 21h jusqu'à midi, voilà, jusqu'à minuit, pardon, pas jusqu'à midi. On l'a mis jusqu'à midi en antenne. En fait, le but, c'est de savoir à quel moment il tombe comme une merde. Et demain soir, nous aussi, on fera de la radio libre ouais. de 22h à minuit. J'ai tellement hâte. Ouais, c'est vrai. Ah, mais de dingue, vraiment. Mais voilà. Demain, 22h minuit, on va être comme des fous. Mais tu sais quoi? Quand tu disais que ça, voilà, c'est la quatrième saison, on est là avec les Restos du Cœur, mais il y a quand même un côté, on retrouve les copains de colo. Mais grave. Non mais même Patrick, j'ai l'impression qu'on est copains de colo aussi. Mais mec, enfin voilà. C'est un amour de vacances. Mais exactement. On est parti. La saison de camping est terminée. Mais moi, je suis revenu avec ma tante. Je vais la planter au même endroit et on va se marrer pendant 48 heures. Bah voilà, parce qu'on parle de choses importantes, de choses graves, mais on le fait avec bienveillance et beaucoup d'humour et de liberté, parce que ces 48 heures sont effectivement aussi, comme on le disait auparavant, de la radio libre. On a parlé de l'importance de tous ces véhicules. Tu le rappelais, Patrice. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On va dans la ruralité, mais vraiment la plus éloignée des grandes villes, grâce à ces véhicules. Oui, ça a été très mis, malheureusement, très mis en avant par la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui ne se sont pas déplacées, qui n'ont pas pu se déplacer par peur de la maladie. Et puis progressivement, simplement parce que soit je remplis mon frigo, soit je remplis mon réservoir. Et quand on voit les prix aujourd'hui du carburant, bon, je ne suis pas rassuré sur les mois à venir. Quand des personnes sont obligées de prendre leur voiture et n'ont pas d'argent pour mettre du carburant, ils restent à la maison, donc ils sont isolés et personne ne vient les voir. Et il y a des centres itinérants des Restos du Cœur qui vont dans les villages, parfois très très reculés, et très souvent, nos bénévoles sont les seules personnes que ces personnes peuvent croiser dans la journée et qui viennent leur apporter un peu de soutien, un peu d'écoute, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, très clairement. Ouais. Écoutez la radio sur Internet et sur les applications, je suis persuadé que c'est vrai ce que je vais dire, c'est plutôt quelque chose de pour la jeune génération, enfin les générations après la mienne. Trois après la mienne. Donc je suis sûr qu'il y a des gens très jeunes qui nous écoutent, qui parfois, et chaque année c'est hyper émouvant de voir qu'on a des dons parfois de 1 euro, mais notre slogan étant un petit don égale un camion. C'est important de parler aux jeunes parce que on va en parler, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent frapper à la porte des restos. Parce que 50% des personnes que l'on accueille, des 1,3 million personnes que l'on accueille, ont moins de 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, 40% ce sont des mineurs. Et chiffre terrible, qui était déjà terrible l'an dernier, 110 000 bébés de moins de 3 ans. Aujourd'hui, c'est 126 000 bébés. Wow. Donc oui, la précarité, elle touche fortement l'enfance, la petite enfance. Et on a des situations terribles. Et c'est pas normal aujourd'hui de considérer que quand on est pauvre, eh bien on va le rester. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument changer. Est-ce qu'il y a encore beaucoup, je parle des jeunes, mais pas que les jeunes, beaucoup de gens qui hésitent à frapper à la porte des restos? On a toujours cette forme de stigmatisation où on est montré du doigt quand on a besoin. Et c'est vrai que de franchir la porte d'une association et des Restos du Cœur, c'est parfois difficile. Il y a encore des gens aujourd'hui qui viennent dans un centre et qui repartent avec un sac de courses d'une marque bien connue de grands magasins, simplement pour pas montrer qu'ils étaient... Et ça, c'est pas normal. Une personne qui a besoin, elle a pas à le cacher. Qu'elle soit fière de venir demander de l'aide, parce qu'on sait très bien que de toute façon c'est très provisoire et qu'elle fera tout pour s'en sortir. Alors la parole elle est donnée ici pendant 48 heures, je l'ai dit, grâce à un numéro de téléphone 01 46 20 31 31. Encore une fois, on va lancer l'appel et on va le faire pendant 48 heures. Si vous avez envie de témoigner, si vous êtes bénévole, si vous avez eu l'opportunité d'être aidé par la chance d'être aidé par les Restos du Cœur et que vous avez envie de nous faire partager votre expérience, vous nous appelez, on peut vous accueillir là maintenant si vous voulez, 01 46 20 31 31. Je vais remercier d'avance tous les animateurs, toutes les animatrices, toutes générations confondues qui vont être là pendant 48 heures. Je crois que j'ai compté, il y en a 70 parce qu'il y a les élèves du Studec qui nous aident, qui sont là, qui sont extrêmement présents aussi au standard, à la technique et à l'animation pendant toutes les émissions. Je voulais les remercier d'avance. Ils ont fait un travail exceptionnel. Avant qu'ils nous piquent nos places, on les remercie. Ouais. Non, mais voilà. Si vous voulez intervenir, 01 46 20 31 31, je voulais parler d'un jeune animateur qui s'appelle Jérémy, qui travaille à Vibration, qui m'a envoyé un sujet qu'il est allé faire, lui, comme un reporter, et qu'on écoutera dans un instant. Après, si vous le voulez bien, France Gall qui chante Calypso sur Radio Resto. Ça marche bien, hein? Oui. J'ai pas fait l'intro. J'étais dans la voiture, j'étais en train d'écouter tout à l'heure ton cadrage sur Eurythmics. J'y suis pas arrivé. J'ai trouvé moyen, moi. Ouais, donc, reçus-moi celui-ci. D'accord. Moi, c'est l'anglais surtout qui m'avait marqué. C'est pour ça que maintenant, ils ne prennent plus le risque. France Gall, tu vas passer coffret. France Gall, Calypso, sur Radio Resto. Il est bien celui-là. Et moi, bien sûr, je me suis pas rendu compte. Pour le calypso, les âmes et mon show, vertige des pays chauds, il dit let's go, j'ai besoin d'autre chose. Calypso, il rêvait tout haut, danser là-bas bientôt. Le calypso, ça met bien la pêche, je trouve. Mmh. C'est ouais, bien. C'est bien. Calypso, France Gall. Ben non, pas du tout envie de partir. Voilà. Bravo, super, non, super mais Laurent, tes goûts musicaux. C'est de la radio. C'est Radio Resto, on fait ce qu'on veut. Jingle. Radio Resto, les plus grands animateurs et animatrices radio, ensemble pour soutenir les Restos du cœur. Jérémy travaille sur Vibration et nous a envoyé un sujet qu'il a réalisé lui-même, monté lui-même, comme on dit, et il est allé vraiment vérifier sur place comment ça se passe. Il a rencontré des gens de là-bas, d'à côté de chez lui, et voilà ce que ça donne. Pour Radio Resto, Vibration est allé à la rencontre des bénévoles des restos dans le Loiret. J'ai eu la chance de visiter le centre de Fleury-les-Aubrais. Je vous amène avec moi et avec son responsable Alain Bourdeau. Pour assurer une distribution, il faut qu'on soit 30 bénévoles par jour. Enfin, par jour d'ouverture de distribution, répartis pour moitié sur l'alimentaire et puis d'autres sur tous les services d'aide à la personne, aide administrative, aide juridique, aide médicale, tout un tas d'activités diverses et variées. Une vraie atmosphère familiale se dégage de ces lieux qui amène parfois les bénéficiaires à devenir à leur tour bénévoles comme Aïcha. Je voulais rendre ce qu'on me donne. Ça fait 6 ans et demi que je suis bénéficiaire. J'en avais marre d'être à la maison, j'étais à la retraite. Au début, j'étais timide. J'avais dit à mes collègues, j'avais des soucis, j'avais plus de gazinière. Enfin, j'avais presque plus d'électroménager parce que comme je touchais une petite retraite, j'ai vendu tous mes meubles en fait, pour pouvoir payer mes factures. Et ça s'est su, les collègues, elles ont été voir le chef. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai eu des plaques électriques, j'ai eu un four électrique, enfin j'ai eu pas mal de choses. Des bénéficiaires comme Aïcha, il y en a malheureusement de plus en plus partout en France et à Fleury. Au niveau inscription bénéficiaire, donc sur la campagne d'été, nous avons reçu et inscrit à peu près 1300 familles. À savoir que sur ces 1300 familles, toutes ne viennent pas régulièrement chaque semaine à la distribution alimentaire. On va recevoir malgré tout entre 600 et 650 familles chaque semaine et malheureusement augmente un peu comme sur le plan national, je dirais, d'une vingtaine de pourcents chaque année. impossible pour moi de quitter le centre sans demander les besoins des restos, les besoins concrets à Fleury-les-Aubrais. Une partie des dons que l'on reçoit sont constitués de ce qu'on appelle les ramasses qui sont collectées chaque matin dans les supermarchés. Et on voit malheureusement ces ramasses fondre comme peau de chagrin parce que les magasins vendent jusqu'au dernier jour. Donc on est obligé de substituer sur des produits qui ont été achetés et qui représentent une somme énorme. En un mot, à Fleury-les-Aubrais... Un grand merci à Jérémy. C'est un reportage qui résume bien la situation. Pourquoi il y a de moins en moins de supermarchés qui donnent des choses, Patrice? On va lui ouvrir son micro. Voilà, c'est comme ça, c'est de la radio. Il est là. Donc, on l'entendait dans le sujet. De moins en moins, les supermarchés vendent jusqu'au bout. J'ai pas tout à fait compris. Oui, c'est ça. C'est que la loi impose effectivement de pouvoir essayer de limiter le gaspillage. Mais les associations d'aide alimentaire sont pas là pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On est là d'abord pour récolter des dons. Et aujourd'hui, il est vrai que les produits que l'on collecte sont beaucoup moins importants, beaucoup moins nombreux. Et c'est surtout que on en arrive parfois à jeter beaucoup de ces produits-là parce qu'on les trie et il est hors de question de donner des produits qui ne sont pas consommables et dont les gens ne veulent pas. Ça aussi, c'est une mauvaise image de l'aide alimentaire, c'est de dire on donne les produits que les gens veulent pas manger parce qu'ils sont pas bons. Non, on essaie de donner des produits effectivement qui sont toujours consommables. Ce qui est important là, c'est de pouvoir aller en amont et de faire appel directement à des industriels ou aux plateformes des distributeurs pour pouvoir aller chercher les produits en amont et ne pas avoir toute cette logistique de tri, de transport. Et puis bientôt d'élimination de ces déchets-là aussi. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet appel à toutes les forces économiques et notamment aux distributeurs et aux industriels parce qu'il est préférable de pouvoir choisir des bons produits, aller les chercher en amont, les collecter dans des entrepôts d'opportunités, des plateformes que nous on sait gérer et pouvoir redistribuer sans qu'il y ait toute cette main-d'œuvre-là qui est très compliquée pour les bénévoles. Dans ce sujet, on entendait une bénévole qui était une ancienne bénéficiaire, on peut dire. Ça arrive assez souvent. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est un point qui pour nous est important, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont accueillies au Resto du Cœur retrouvent une forme de confiance grâce au bénévolat. C'est qu'à un moment donné, les personnes qui reçoivent se disent « mais moi je vais donner aussi » parce que ce sourire que l'on a quand on donne quelque chose à une personne qui en a besoin, je vous assure que c'est tous les salaires du monde. Et quand en plus ces personnes-là sont en difficulté et se disent « mais moi je vais rester chez vous, je vais vous aider », c'est une façon de regagner confiance en soi, estime de soi, se dire j'ai été capable d'aider des gens grâce à mon bénévolat. Et quand on est en difficulté, très éloigné parfois de la formation et de l'emploi, eh bien on gagne du temps et ces personnes-là elles se disent je suis finalement capable de faire un truc bien et de le faire pour les autres, ben je vais m'occuper de moi aussi. C'est ce genre de témoignages qui vous ont décidé. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul à la Fédération du Crédit Mutuel, vous n'êtes pas tout seul à décider. Est-ce que vous avez eu besoin de vous réunir beaucoup pour dire tiens cette année on va encore aider les Restos du Cœur? Alors non, faut dire non parce que c'est un des premiers soutiens qu'on a porté avec la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ça nous semblait évident déjà à l'époque. Je disais tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'on est très présent auprès des restos. C'était évident à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui quand on voit le contexte, quand on a entendu l'appel de Patrice il y a quelques jours. On voit bien que la situation s'aggrave, que le nombre de bénéficiaires augmente et donc il faut être de plus en plus présent. Et c'est d'autant plus facile à convaincre qu'on a eu derrière nous tout un collectif de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, parce que Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ça représente le Crédit Mutuel, le CIC, les assurances du Crédit Mutuel. Enfin, il y a plein de filiales et toutes ou beaucoup d'entre elles se sont mobilisées au-delà du soutien financier qu'on apporte. Ça a été le cas, par exemple, pour notre filiale informatique qui donne des ordinateurs pour notamment les bénéficiaires. Ça a été le cas de notre filiale de leasing qui a donné des véhicules supplémentaires par rapport à ce qui a été fait dans le cadre de cette opération. Et puis aussi de notre filiale de sécurisation, qui sécurise les entrepôts des Restos du Cœur et une partie des centres des Restos du Cœur. Et ça, on l'a fait, enfin, ils l'ont fait, d'eux-mêmes. prenant le sillage de ce qu'on fait au sein de la Fondation. Et donc, on voit quand même qu'il y a un lien particulier avec les Restos du Cœur et qu'il y a une volonté de se mobiliser très fortement auprès des bénévoles. Et puis, un fort soutien également qui date de quelques semaines sur le programme Petite Enfance. Je disais tout à l'heure qu'on avait effectivement des priorités, notamment sur les 1000 premiers jours, les bébés de jusqu'à 3 ans. Et notamment là aussi avec un partenariat fort pour nous accompagner sur ce projet parce que malgré les projections budgétaires et toute l'anticipation que l'on met là pour éviter d'être dans une situation beaucoup plus compliquée, il est évident qu'il y a des projets qui sont importants, prioritaires, qu'on l'on va devoir, et on a une vraie volonté de les conserver, de les mettre en œuvre. C'est la petite enfance, c'est la qualité de l'alimentation. Et des partenaires comme Christophe et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est évidemment essentiel pour pouvoir continuer. Alors, si vous voulez vous aussi participer à ce combat qui dure 48 heures sur Radio Resto, mais toute l'année avec le site internet des Restos du Cœur, vous pouvez le faire bien sûr en faisant un petit don ou un gros don. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à faire un énorme don, on est preneur aussi. Pourquoi est-ce que c'est facile? Bah parce qu'il y a tout d'abord le site internet, l'application relayée par Radio Player, le partenaire, et puis parce qu'il y a aussi ces histoires de réduction fiscale. J'ai les chiffres pour un don de 100 €, 25%, 25, ça fait 25 € après réduction fiscale. Ça, c'est grâce à la loi Coluche. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% de votre don avec un plafond de 1 000 €. Bon, voilà, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, on sait que vous allez nous aider pendant tout le week-end. On va faire marcher un compteur qui va grimper, qui d'ailleurs, c'est une bonne surprise depuis qu'on a annoncé la saison 4 de Radio Resto, a déjà bien grimpé en quelques jours. Parce qu'effectivement, cette année, on a beaucoup parlé dans les médias, tous nos médias. Mmh. Il y a eu un truc qui s'est fait cette année, hein, n'est-ce pas Bruno et Manu, c'est qu'il y a un message qui est passé sur pratiquement toutes les radios. Et il n'est pas l'appel de Romain. Ouais. Il est ouais. Incroyable. Ouais. L'appel est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu... la première année que ça se fait. Hein. C'est la première année que ça se fait. Je pense que le fait que tu sois passé également au journal de 20h pour donner la situation des Restos du Cœur, a alerté beaucoup de gens sur un problème qui n'était peut-être pas encore très connu et la situation critique dans laquelle se trouvait l'association. Et c'est vrai que c'est la première année où toutes les radios de concert ont dit « Ok, on va jouer le jeu ». Enfin, même moi, j'étais très fier de pouvoir annoncer sur l'antenne de Fun le partenariat d'énergie de toutes les radios. Et c'est aussi comme ça qu'on va y arriver. C'est-à-dire que c'est en associant voilà, toutes ces... Toutes ces forces en puissance qu'on va réussir à faire encore plus avec Radio Resto, je l'espère en tout cas. On va remercier tous nos patrons de radio qui ont bien voulu, hein, parce que c'était pas le cas des années passées. Hein, c'était un petit peu plus difficile. Ça va. La première année, ça a un peu surpris, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'improbable quand t'es un patron de radio de dire, en fait, moi, je vais aller faire de la radio avec le concurrent en face. Vous savez, celui avec qui on se bat toute l'année pour l'audience, en fait, on va faire de la radio ensemble. Donc c'était difficile à comprendre. Et puis une saison, deux saisons, trois saisons. Et puis là, c'est la quatrième. Et maintenant, en fait, ça leur fait plaisir maintenant de participer. Et c'est génial. Si c'est la première année que vous entendez parler de Radio Resto, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous fait plaisir de savoir ce que vous en pensez. 01 46 20 31 31. Ne serait-ce que pour faire fonctionner le standard. Parce que pour voir s'il marche. C'est déjà. Tout neuf cette année. Donc, on a vraiment devoir vérifier si ça fonctionne. Donc, help 01 40 26 31 31. On serait ravis de discuter avec vous sur Radio Resto. Et on va continuer en musique. Bon, vous voulez absolument que je vous fasse l'intro? Elle est longue celle-là. J'espère que c'est de l'anglais. Pas du tout. C'est Hotel California. Ça fait 1 minute 30. C'est Canary B, pas Caranib. Et c'est Indochine. Tout de suite sur Radio Resto. Radio dyslexique. vous a plu? Tu vois pas comment on danse de façon grotesque. Je découvre ce groupe, c'est très sympa. Comment il s'appelle? Indochine. Sur le nom est nul. Hein. Ça marchera pas. Ah, le nom est un peu ringard, surtout. Indochine, ça n'existe plus depuis longtemps. C'est vrai aussi. C'est pas, historiquement parlant, c'est une erreur. Enfin, oui, je trouve. Eh bien, c'était sur Radio Resto, Indochine. Allez, retrouvez Radio Resto sur l'application Radio Resto. Alors, on va faire fonctionner le standard. Oula. Allô, bonjour, qui est là? Alors, normalement, j'appuie là-dessus, je crois. Bonjour. Bonjour. Ah, qui bonjour? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kevin. Ah, Kevin, comment ça va? Est-ce que c'est la première fois que tu écoutes cette radio éphémère qui dure 48 heures, Radio Resto, ou est-ce que tu es un fidèle déjà au bout de 3-4 ans maintenant? C'est la première fois que j'écoute. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est vraiment un super projet. Et bravo à vous, quoi. Que tous les animateurs de toutes les radios soient réunis comme ça, c'est vraiment super. À tous les coups, tu fais de la radio? Je rêve de devenir animateur radio. Et tu es dans quel coin? Calais. Calais, bah oui, il y a ce qu'il faut là-bas, il doit y avoir encore des radios. Oui. Il y a plein de radios où on peut faire du bénévolat. Oui, c'est sûr. Et tu as quel âge? J'ai 30 ans. Oh bah c'est bien pour commencer. Hein, ouais. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas d'âge pour c'est commencer. C'est un peu jeune, mais tu peux y aller. Bon Kevin, comme tu es le premier à nous appeler cette année, eh bien je vais te proposer de ne parler que de du resto pendant 48 heures à tous les gens qui t'entourent. Tu utilises les réseaux sociaux, tu utilises ton numéro de téléphone, tu frappes chez les voisins, tu fais ce que tu veux, mais t'en parles à tout le monde. On fait comme ça? J'ai déjà fait, j'ai déjà partagé sur mon Facebook le lien de la radio. Mais justement, tu nous as découvert comment, Kevin? Tu as entendu parler de Radio Resto comment? En écoutant RMC avec l'appel de Romain Colucci, c'est là que j'ai su qu'elle allait avoir Radio Resto. Ah bah génial. Super. Et t'écoutes quoi comme radio habituellement? Alors bah, j'écoute un peu de tout, on va dire. J'écoute Energy, Fun, RTL, RMC. D'accord. Bah, toi, bleu, ça dépend. Tu vas tous les retrouver en une radio pendant un week-end. C'est ça qui vient. Pratique, hein. Donc, pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer Romain Colucci plusieurs fois. Où ça? Dans un club échangiste. Non, à Calais, parce qu'en fait, la ville de Calais, on crée le SAT Coluche, qui est un dispositif qui aide les jeunes à trouver un emploi. Oui. Et il en est le parrain, donc j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est vraiment un type super. Excuse-moi, qui est ce Coluche dont tout le monde parle depuis des années? Je pense que c'est un des plus grands humoristes qu'on a eu en France. C'est clair. Ah, d'accord. C'est la première vanne, quand même, le premier rendez-vous qu'on a eu au Resto du Cœur avec Laurent Petit-Guillaume et Manu Lévy, quand on s'est pointé pour venir voir les équipes. L'équipe des restos, ils en aimeraient faire un truc de radio. Il y a un gigantesque poster de Coluche dans l'entrée. Et la première phrase, donc, ils nous connaissaient pas bien au Resto du Cœur. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Pourquoi ils viennent nous voir? Et la première phrase de Manu, c'était, c'est qui ce gars? Ça a détendu l'atmosphère. Oui, tout à fait, parce que au début, ils ont pas su si c'était du second degré, vraiment. Patrick, et je me suis dit, quel est ce rendez-vous dont parlait Kevin à Calais? Romain est un gars formidable. Romain Colucci, le fils de Coluche. Il parcourt la France entière pour aller rencontrer nos équipes, nos bénévoles. Il a une vraie connaissance de ce qu'est l'engagement. Et vous l'aurez dimanche soir d'ailleurs, dans l'émission de clôture. Et il est vrai que il continue à porter cette générosité-là et à encourager nos équipes. Et c'est bon de le voir effectivement le faire parce que c'est un honneur pour les bénévoles de le recevoir dans un centre ou dans des activités qui l'accompagne également en dehors des Restos du Cœur. Oui, parce qu'il y a les centres de distribution, et les centres d'aide, d'écoute, c'est très important aussi, l'écoute. Et il y a aussi plein d'initiatives régionales. Moi, je me souviens d'être allé sur Soupe en Cœur, à Tours. C'est un événement qui existe depuis, je crois, 30 ans. Ouais, il y a plein de manifestations qui sont organisées dans tous les départements. C'est complètement fou, ça. Ça va de la culture, du sport, du loisir, parce que c'est ça aussi, les restos. C'est pas uniquement l'aide alimentaire et tout l'accompagnement, c'est aussi de pouvoir donner la possibilité à des personnes en difficulté de partir en vacances, d'aller voir des concerts, d'aller voir des spectacles, et c'est important pour nous encore une fois de le dire et que c'est pas parce qu'on est en situation en difficulté un temps ou longtemps qu'on n'a pas le droit à ça. Moi, un gamin qui va au cinéma, qui le lendemain est capable de raconte sa soirée à ses potes comme si encore une fois il avait une vie aussi bien que la leur, c'est génialissime. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis faut pas l'oublier, on vient de quelqu'un qui était dans le divertissement. On est né d'un clown. Ben oui. Et ça veut dire que les restos, c'est aussi du sourire. Et c'est pour ça qu'on essaye effectivement d'accompagner le plus grand nombre de personnes et de le faire bien si on peut. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y aura un sacré nombre de clowns qui viendront ici avant dimanche soir 20h animer Radio Resto. On va remercier quand même aussi, parce qu'il faut le faire, tous les gens qui accompagnent cette initiative. Donc la Fondation Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, vous l'avez compris, mais aussi les élèves et les professeurs et les techniciens du studio École de France qui ont fait un boulot plutôt extraordinaire pour qu'on puisse faire de la radio aujourd'hui. Le groupe IGS. Qui nous accueille. Ah oui, grave. Radio Player France qui accueille l'application. IP Studio, Infomaniac et Créacast, B-Live, B-Live, Convergence, Digital Mate, les taxis G7, Nespresso, c'est important, et Serdeco et tous les artisans. Et ça, ils ont beaucoup travaillé ces dernières semaines pour monter notamment ce studio de radio et de vidéo, parce que vous pouvez nous suivre également sur YouTube si vous voulez avoir les images. Voilà. Et je rappelle le numéro. On va remercier Kevin de Calais. Merci Kevin. Mais merci à vous et bon courage. Et petit message pour Bruno, de tout cœur avec toi Bruno. Voilà. Merci beaucoup Kevin. Pourquoi merci. J'ai pas suivi. Un bon courage à vous et merci pour ce que vous faites. Merci Manu Lévy aussi de toujours avoir de la répartie, ça s'appelle. Bon voilà, 01, on continue bien sûr, hein, si vous voulez nous appeler, 01 46 20 31 31. Si vous avez un jour bénéficié, rencontrez les Restos du Cœur. Si vous êtes bénévole, vos témoignages sont importants. Et si vous voulez faire des dons, bah, c'est toujours et sur l'application et sur le site internet. Et on va écouter de la musique puisqu'on est là aussi pour suivre le conducteur. On appelle ça un conducteur. Très bien, envoie blind test. Dis pas. Alors, mettez l'intro. Bien sûr, Benjamin, je te donne. Ouais, mais qui alors? Avec c'est ça, Michael Jones. Ah, mais oui, mais il est. Stéphanie Monaco. Ah, pas Goldman, loin. Frédéric, c'est Jones. Ah non, c'était Michael Jones. Hein? Ben bah Jean-Jacques Goldman. Ben oui. Et ben on l'a dit tout à l'heure, il devient sourd. Hein. Putain, ça va pas être simple. Hein. Ah, je fais de la radio. Tu vas faire 48 heures? 48 heures, il te dit! Il est pas au courant! Viens par ici! Ah putain, il s'est fait dessus. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne un petit don, plus un petit don, plus un petit don, plus un petit don pour acheter un camion pour les Restos du Cœur. C'est Radio Resto. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. Ça y est, je commence à m'y faire à tout ça. Tu voulais dire quelque chose, Manu Lévy ? Non, je trouve ça dommage que Jean-Jacques Goldman n'ait jamais rien fait pour les restos. Ouais, enfin, tu vois, c'est une chanson. Il aurait pu faire au moins une chanson, je trouve. Ouais, un truc, tu vois. Fou complètement. Ce Coluche, tu vois, à sa place, à l'époque, en plus, il était au top, Goldman. Ouais, bien sûr. Il aurait pu appeler des gars de l'époque, je sais pas, tu vois, au hasard, je sais pas, des Platini, des Montand, des Nathalie Baye. Même Drucker, tu vois. Non, Drucker, faut pas déconner, il aurait pas réussi. Mais... Non, mais c'est pour ça. Et puis voilà, maintenant, on l'entend plus trop parler. C'est bizarre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça. Tu vois. À cause de nous, tu veux dire. Non, le gars n'a rien fait pour continuer. Et il s'est dit bon. Bon, avant d'accueillir Jérôme et Christian, un mot sur effectivement tous les gens qui ont permis à cette radio d'exister ce week-end, Patrice Touré. Bah oui, parce qu'il a fallu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bosser ces 10 derniers jours, parce que dans cette salle, dans les locaux du groupe IGS qui nous héberge, et encore une fois, c'est merci à eux. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Il y a des artisans, des entreprises. Je citerai quelqu'un qui a passé énormément de temps ici. C'est Monsieur Morera, qui est un des artisans et qui a vraiment fait en sorte d'être là et d'être présent. Et c'est tous les élèves du Studex et quelques personnes également du Studex et toutes nos équipes qui sont là depuis 10 jours. Et tu les connais bien, Laurent. Et puis c'est vous et c'est tous les animateurs. Encore une fois, c'est cette addition de compétences et de générosité qui fait que ça marche et que. Ben, le miracle, il y a une heure, on ne savait pas si tout marcherait bien, et là, tout marche bien. Eh ben, tout marche bien, on peut même appuyer là-dessus pour avoir Jérôme de Paris. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Ben, pas trop mal, et toi ? Ben, écoute, ça va plutôt pas trop mal non plus, je suis avec vous, donc tout va bien. C'est la première fois que tu écoutes cette radio éphémère de 48 heures qui s'appelle Radio Resto ? Oui, exactement, c'est la première fois, je connaissais pas du tout le concept. Et là, en fait, je suis en train de vous écouter et de vous regarder en même temps, si on peut vous voir aussi en même temps sur le live. Ok, tu as le prouvé. Je vais aller cacher la bouteille quelque part dans l'anatomie de Laurent Petit Guillaume. Non, le premier, on la voit pas. Non, pas tous les ans. Tu nous as découvert comment t'as découvert Radio Resto, du coup En fait, j'ai vu des posts tourner un petit peu sur Internet. J'ai vu aussi, j'ai vu un post passer. Et du coup, voilà, j'ai cliqué sur le lien, j'ai vu, et puis du coup, je vous ai découvert. Laurent, c'est un message qui est laissé sur les réseaux sociaux. Et quand tu cliques sur un lien, c'est un truc qui te permet de rentrer dans ce qu'on appelle Internet. Laurent était parti à la poste. On dit pas un poste, on dit la poste. C'est pour ça que j'ai préféré recadrer. Jérôme, est-ce que tu as déjà... vraiment, tu peux répondre sincèrement, oui ou non. Est-ce que tu as déjà donné... Pour les Restos du Cœur ou pour une autre association d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà donné et cette année je vais être bénéficiaire. Ah, alors donc tu vas aller où ? Je vais venir m'inscrire pour la première année. D'accord. Et je dois le signaler, je crois que tu bosses, hein ? Ça veut... Oui, je travaille. Voilà. On travaille, moi, ma femme et j'ai 3 enfants. Et ben voilà. Et heureusement que les Restos du Cœur sont là, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est un bon témoignage, parce que effectivement, Patrice, ça ne veut pas dire qu'on est au chômage depuis des années, qu'on n'a pas un salaire. Non, et c'est une des leçons de la situation actuelle, c'est que on a des personnes qui sont sans emploi, sans formation, et on a aussi des personnes qui travaillent. On a des personnes qui, le 18 mois, n'ont plus un seul euro quand ils ont payé leur loyer et les charges. Et c'est des gens qui pensaient être à l'abri, peut-être le cas de Jérôme qui nous appelle là, qui ont un logement, un emploi, et qui... tout d'un coup, n'arrive plus simplement à finir. Je dirais même pas aller à la fin du mois, c'est d'aller jusqu'à la moitié du mois. Et il faut pas hésiter, encore une fois, il faut pas avoir cette honte de dire j'ai besoin d'un coup de main, venez m'aider un petit moment là, parce que je m'en sors pas. Et on essaiera de faire en sorte, surtout que Jérôme sorte le plus rapidement possible, parce qu'on l'aura aidé à ça et qu'il aura peut-être eu quelques petits coups de pouce supplémentaires, et puis on l'espère, des prix qui seront moins chers que ceux qui sont aujourd'hui. Eh ben Jérôme, on espère que pendant 48 ans, on va te divertir, te faire marrer. En tout cas, merci d'avoir appelé aujourd'hui. Et puis c'est moi qui vous remercie en tout cas, et continuez comme ça. Et franchement, merci les restos et merci à vous pour cette radio éphémère. Merci à tous autour de la table, franchement. C'est que du bonheur, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. On profite de ces 48 heures. Je vous fais des gros bisous, les copains. Nous aussi, merci à toi. Salut Jérôme, c'est sympa. Regardez, 52 ans, Christian, il habite à Carcassonne. Bonjour Christian. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir, on est ravi de t'accueillir. Pourquoi tu nous appelles ? Raconte-nous. Il s'est trompé de numéro. Non. Non, je ne suis pas trompé de numéro. Non. J'écoutais Fun Radio tout à l'heure. Ouais. Et Cardman a lancé un appel. C'est pas grave si vous écoutez la radio. Et en fait, je voulais écouter cette radio éphémère, comme a dit le précédent. Parce que moi, j'ai donné, en fait, j'ai 52 ans, j'ai donné pendant 30 ans au resto. Ouais. Et je suis sans abri à Carcassonne. Sans abri à Carcassonne, mais t'es dans la rue, là ? Oui, actuellement, oui. D'accord. Tu vas dormir où ce soir ? Ah, mais j'ai quand même une tente. Ah oui. J'ai quand même une tente. Ouais. Bon. Je suis quand même j'ai réussi à trouver un petit terrain pour squatter. Et donc tu es un bénéficiaire des Restos du Cœur ? Tu as demandé qu'on te soutienne ? En fait, non, j'ai toujours donné aux restos. Ouais. Ils pourraient te donner à toi maintenant. 32 ans, ça fait une trentaine d'années que dès qu'il y a une opération, bon, j'étais en Bretagne il y a quelques temps, j'ai toujours donné aux restos. Et j'ai honte d'y aller, en fait. Il faut accepter la main tendue. Et je sais que c'est difficile. Je vais pas dire je vais chez les concurrents, ouais. Mais c'est pas grave, encore une fois, il faut simplement accepter l'aide d'où elle vient, et que ce soit les Restos du Cœur ou d'autres associations. Encore une fois, on peut avoir des passages difficiles, ça peut durer. On n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Maladie, divorce, perte d'emploi, etc. Et malheureusement, chacun peut basculer du jour au lendemain dans la précarité, dans des situations difficiles. Et donc, c'est vrai que d'accepter la main qui est tendue et pas le doigt qui est tendu pour stigmatiser, montrer du doigt, c'est, encore une fois, il faut avoir ce courage-là de le faire. Non, je sais que les restos existent à Carcassonne. Oui. Je le sais parce que j'ai un ami qui est bénévole. Mais je n'ai jamais pu, moi, en fait, depuis le mois d'avril, je ne peux pas y aller, en fait. C'est... Limite, je donnerais encore, parce que si je pouvais, je le donnerais, mais je ne peux pas y aller, en fait. D'accord. C'est inexplicable. Inexplicable. Bah écoute, si tu es soutenu quand même, puisque tu l'as dit plus ou moins, c'est le principal. Tout à fait. Bah en tout cas. Et bravo parce que ce que vous faites, hein, parce que je sais qu'il y a Bruno et que j'écoute tous les matins. Merci beaucoup. Merci. J'écoute Bruno, je sais qu'il y a Manu en face, ouais. Que j'ai écouté pendant quelques temps. Bah oui, mais ok, t'as zappé, super, bravo. Mais à un moment donné, on arrête, on n'en peut plus aussi, hein, faut pas trop l'écouter. Non, même moi des fois, je m'auto-zappe. Non, je trouve ça génial que vous soyez tous rassemblés pour la même cause et bravo pour ce que vous faites en fait. Bah c'est gentil Christian, écoute-nous pendant 48 heures, tu vas voir, tu vas passer de bons moments et on t'embrasse fort. Bah merci, je vous regarde en vidéo et je vous vois. Merci Christian. À bientôt Christian, merci. Salut, à merci. Allez, bon courage, salut. Allez, 20h55, c'est Radio Resto, on va accueillir Thierry, ça sera le dernier, puis après vous parlerez à Willy Rovelli qui arrive dans un instant. Là, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez avec Willy. Il y aura aussi beaucoup de générosité, j'imagine, beaucoup de cœur, et puis vous allez sans doute vous marrer. Bonjour Thierry. Salut à tous, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Thierry, il est dans le Calvados. J'ai l'impression d'être à la banque. Bonsoir messieurs. Alors vous venez donc pour un taux après. On va calculer rapidement le taux. Donc. Et vous ne l'aurez pas. Mon cher Thierry, pourquoi tu nous appelles ? Eh ben, je voulais vous féliciter en tout cas pour ce que vous faites, parce que moi, ça fait depuis le début que je vous suis. Je trouve ça génial. Que tu suis Radio Resto ou que tu nous suis tous depuis le début ? Alors tu dois être assez vieux quand même. Je suis Radio Resto depuis le début et Manu, je l'écoute le matin, j'écoute Bruno. C'est dur de zapper entre les deux. Bah tu vois, c'est pour ça qu'on a fait Radio Resto en fait. On va être très bizarre, vous Radio Resto, c'est un alibi. En fait, c'est juste pour faire de la radio ensemble en fait. C'est top. Faut faire ça à longueur d'année maintenant. Enfin, ouais. C'est ce qu'on fait. Et puis, tous les ans. Et puis voilà, les restos, moi, voilà ce que j'expliquais à votre standardiste, je suis télépilote de drone, nouveau métier. Alors, les restos, je travaille pas avec eux, mais j'essaye de faire pour les gosses, parce que c'est un nouveau métier, j'essaye de leur faire découvrir ce monde du drone. Et généralement, c'est les yeux qui pétillent et tout, et c'est juste un kiff, quoi. Bah merci beaucoup Thierry, parce que ça fait aussi partie des bons gestes qu'on peut avoir tous les jours, faire pétiller les yeux des enfants, c'est ouais, un bon... C'est le plus important, je pense. Exactement. Juste un petit message à Bruno, on sait ce qui s'est arrivé à Bruno, comme l'a dit si justement Monsieur Calvi, on vous aime. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas que Monsieur Calvi qui a dit ça. Oui, merci on Thierry. L'aime, on l'aime. C'est gentil, merci. Et bah, bon Radio Resto, et puis donner, il faut des camions. Eh ben, vous savez quoi, on a démarré il y a une heure Radio Resto, ça dure 48 heures et on a pratiquement financé un camion. Oh. Ouais, pratiquement. C'est génial. On a parlé un peu de tout le petit monde qui allait défiler jusqu'à dimanche soir ou pas. Est-ce qu'on a fait ce qu'on appelle du name dropping? Alors, on va y aller. Parce que je sais que les gens aiment ça, et puis c'est vrai que il y a des gens qui écoutent peut-être ce soir en disant qu'est-ce qui va se passer pendant 48 heures, quel genre d'émission. Moi, j'écoutais Manu tout à l'heure qui disait il y a des émissions qui vont se reconstruire. J'ai hâte, par exemple, d'écouter ce que tu vas faire demain matin avec Arthur. Et moi aussi, j'ai hâte d'écouter ce qu'on va faire qu'on n'a pas préparé. J'ai hâte de savoir ce que personne n'a préparé. Moi, je vais vous le dire. Demain matin, vous aurez des animateurs qui viennent de régions différentes, de Lille, d'Alouette, de Contact FM. Ils vont faire une matinale de 7h à 10h. Dans un instant, c'est Willy Revelli, libre antenne. Alors là, vous pouvez en profiter, le 01 46 20 31 31. Ensuite, effectivement, 10h à midi, Arthur, Manu Lévy et... Des surprises. Voilà. Ensuite, il y aura Bruno Guillon qui, lui, va accueillir de midi à 14h demain après-midi des animateurs qui ont l'habitude de faire des jeux. Ouais, alors demain, on va avoir, jeudi, dans un ordre complètement indéfini, Samuel Etienne, Damien Thévenot, Nagui, Jean-Luc Reichmann, Camille Combal, Jean-Pierre Foucault, Olivier Mine, Cyril Ferraud, Jarry. Quasi tous, je crois. Ok, pas mieux. Voilà. Bon, il y a plein de choses à découvrir, on vous le dira au fur et à mesure. Avant de se quitter, on va revenir sur une idée qu'a eue notre partenaire depuis le début, ici présent, Christophe Salmon, pardon, délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance, c'est long à dire, mais c'est vraiment très efficace. En fait, on va faire un jeu pendant ces 48 heures. Nous expliquer un petit peu comment ça va se passer. C'est ça, c'est le principe. On voulait associer les auditeurs au soutien que la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale apportait au resto, et donc le faire sous forme ludique. Et donc, je crois que pendant 48 heures, il y aura un jeu. Mm-hmm. Ça s'appelle Questions pour un camion. C'est et ça. Trois questions, trois bonnes réponses. Ça sera un camion pour les restos qui sera financé par la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mais vous êtes au courant que quand la personne n'aura pas la bonne réponse, on va se démerder, on lui donnera. Je préfère te prévenir tout de suite. Non, ça, vous le savez, quoi. On s'en doutait un peu, mais on prend ce risque. Très bien. Voilà, alors vous avez l'intérêt à jouer, vous qui nous écoutez, vous gagnerez le fait de nous faire gagner, de faire gagner un camion au Resto du Cœur. On compte sur vous. C'est au 01 46 20 31 31. Je pense que Willy Revelli s'apprête à jouer dans quelques instants avec vous. N'hésitez pas à l'appeler. Il est 21h, messieurs. Merci beaucoup. On retrouve donc Manu, Bruno, moi-même demain tout au long de ces 48 heures. Ouais. Il y a plein de rendez-vous formidables à découvrir. Patrice Douré, merci beaucoup, président de Resto du Cœur. Et Christophe Salmon, délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci. Il est 21h, vous écoutez Radio Resto. Dans un instant, c'est Willy Revelli sur Radio Resto.